بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية تمدمجين أه. أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثرهم واقتفى. إن شاء الله يبدأ تمارين صح؟ Hein? Il y avait des exercices. La fin du premier. La fin du premier. Là, il y a plus. Hein? La fin du 3 et le 4e. Et le 5e. Octobre, l'adad, min salata ila ashara. Moi, j'ai fait le 4. Le 5? Non, j'ai pas fait le 5. Hat, vous. Rakibun. Qala, ad-dars al-wahid, ou ad-dars al-hadi wa 20. Madrasati. Mon école. قال هذه مدرستي. يعني هي ستصف مدرستها. تاو نعم مدرسته. Il va décrire ça en son école. قال هذه مدرستي. Ceci est mon école. هي قريبة من المسجد. Elle est proche de mon مسجد. قريبة. Pourquoi? Parce que c'est le مدرسة. هي. قال هي مدرسة كبيرة. لها ثلاثة أبواب. ثلاثة. Pourquoi? Parce que c'est باب. Bab, c'est singulier, c'est, je veux dire, c'est masculin. Donc, salatha, comme c'est entre 3 et 10, là, ça sera féminin. Abouabouha maftouhatun al-an. Abouabouha, yani abouabou al-madrasati. Maftouha, c'est quoi? Khabar. Khabar de abouab. Abouabouha maftouhatun al-an. Ses portes sont à présente, ou sont ouvertes à présente. Sont à présente ouvertes. Naam. Qala fil madrasati. Fusulun kathira. Dans cette école ou dans l'école, il y a beaucoup de classes. Fusulun, c'est le jam' de fasl. Donc comme fusulun, c'est le khabar. Fil madrasati fusulun kathira, c'est quoi? C'est son na't. Kathira. Qala hadha fasluna, c'est notre école, ou plutôt notre classe. Wa hadha faslun wasi'un, c'est une classe qui est vaste, qui est grande, d'une grande superficie. قال فيه يعني في الفصل. Le ha revient sur quoi? الفصل. فيه أي في الفصل نافذة كبيرة. Il y a deux grandes fenêtres. نافذة تان كبيرة. Donc il faut contre deux ça s'accorde. Parce que c'est quoi? فيه نافذة كبيرة. C'est quoi نافذة? Là il n'y a pas de نافذة. فيه. فيه مبتدا ça veut pas être un harf. Mais non, c'est un plusieurs fois celui-là. Fihi. Plusieurs fois celui-là. Fihi, on a dit dès que la France a, la phrase a commence par un jar ou un jurur, c'est le mubtada qui vient après. Et généralement, c'est le khabar qui est avant. Tam? Fihi nafidatan kabiratan. Donc dans cette classe-là, il y a deux grandes fenêtres. قال فيه مكاتب وكراسي. Il y a des bureaux et des chaises. مكاتب, c'est le jam' de مكتب. Et كراسي, c'est le pluriel de quoi? كرسي. Et les deux, ce sont des pluriels qui sont sous la forme de quoi? Un sur le wazn de مفاعل et l'autre sur فواعل. Et ces deux wazn-là, ce sont des formes qui ne prennent pas de تنوين. Tu ne dis pas كراسيون. Et tu ne dis pas كذلك مكاتبون. قال فيه سبورة كبيرة. Il y a dans cette classe un grand tableau. C'est quoi l'arabe de فيه qui a سبورة كبيرة? قال هذا مكتب المدرس. Ça c'est le مكتب, c'est-à-dire le bureau du مدرس, de l'enseignant. وذاك كرسيه. Et celui-là c'est sa chaise. تمام. وذاك اسم إشارة للمتوسط comme ils disent. وبعضهم disent que c'est la même chose للبعيد. قال تلك مكاتب الطلاب. Voici les bureaux des étudiants. وكراسي يهم et leur chaise. كراسي, tu veux dire كراسي الطلاب, laquelle on sait qui tu parles, donc هم. كراسي يهم. قال مكتب, نعم مكتب المدرس كبير. Le bureau du directeur, il est grand. Vas-y, faites la traduction, moi je lis. قال ومكاتب الطلاب صغيرة. Sont petits. قال في فصلنا عشرة طلاب. Attends. في فصلنا عشرة طلاب. Il a dit les élèves, tamam, les étudiants. قال هم, قال في فصلنا عشرة طلاب وفي وهم من بلاد مختلفة. C'est-à-dire quoi? Et ils sont de différents pays. Ils viennent de différents pays. قال هذا محمد وهو من اليابان. C'est-à-dire quoi? وهذا خالد وهو من الصين. وهذا أحمد وهو من الهند. Donc Ahmed, on va voir que dans les cas, c'est un nom propre qui ne prend pas de tanwin. Pourquoi? On va le voir parce qu'il est sous la forme d'un verbe. Ahmedullah. Parce que tu dis Ahmedullah. Ana. Et les noms qui sont sous la forme des verbes, ils ne prennent pas de tanwin. Ils disent pourquoi? Parce qu'ils disent que Aslan, il a une ressemblance avec quoi? Le verbe. Parce qu'il est sous la même forme que le verbe. Et le verbe, il ne prend pas de tanwin. Donc il dit tout ce qui se ressemble à une chose, tout ce qui prend et s'identifie à une chose, il prend le même jugement. Et le verbe, c'est marouf, il ne prend pas de tanwin. Il n'y a pas de tanwin dans les verbes. Il dit du fait qu'il a ressemblé, il prend le même jugement. Donc on enlève la tanwin. Ahmadou, tu ne dis pas Ahmadoun. Et quand les cas, on verra, il ne prend pas. Et là, il jarre. Bi al-kasara. Tu ne dis pas Mashaytou bi Ahmadi. Tu dis bi Ahmada. Pourquoi? Parce que c'est pareil, le verbe il prend pas, il est jamais majrour. Le harf jar ne rentre pas dans le verbe. Donc kadalika, dans le nom qui lui ressemble. Donc Ahmadou, c'est un nom mamnou min as-sarf qui prend pas de tanwin, mamnou min at-tanwin. Qala hadha Ahmadou min al-Hind, on a dit. Qala wa hadha Ibrahim wa huwa min Ghana. C'est Ibrahim, il est de Ghana. Du Ghana. Ghana, le Ghana. Ibrahimu, Kadalika, tu dis pas Ibrahim Moun. Pourquoi? Parce que c'est un nom propre. A'djami. Ouais. Si jamais il est mansouf. Qala wa majrur. Qala wa hadha Ismaïl wa huwa min al-Nigeria. Lui c'est Ismaïl. Nigeria. Nigeria. Nigeria. Wa hadha Yusuf wa huwa min Inkiletarra. وهذا بيرم وقال وهذا بيرم وهو من تركيا وهذا عمار وهو من ماليزيا وهذا علي وهو من أمريكا وهذا أبو بكر وهو من اليانون يونان وهو من اليونان وهم من بل نعم وهم من بلاد مختلفة بجرح في كذلك بلدان وهم من ها توكي بدت وهم من بلاد مختلفة ils viennent de pays différents ولغتهم مختلفة en fait il a un but ولغتهم مختلفة différentes. Wa alwanuhum mukhtalifatun. Leur couleur. Laun, c'est son pluriel, c'est son singulier. Launun. Je croyais Laun, c'était modèle. Laun. Comment on dit modèle, un autre modèle? Namouzaj, ah, tu peux dire? Naham, namouzaj. Namouzaj. Namouzaj. Zaj. Zaj. Bzel. Ah, namouzaj. Namouzaj. Namouzaj. Za, za. Za. Namouzaj. Je. Namouzaj. قال ولكن دينهم واحد وربهم واحد ونبيهم صلى الله عليه وسلم واحد وقبلتهم واحدة وهم مسلمون والمسلمون إخوة لغزة من الآية صغيرة بها قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مدرسنا اسمه شيخ بلال. Ça c'est notre professeur. Ça, lui, ou bien celui-là, c'est notre professeur. Et il s'appelle شيخ بلال. قال هو من المدينة وهو رجل صالح. نحن نحبه كثيرا. Donc il nous dit qu'il vient de Médine, pieux. Nous l'aimons bien. وهو من المدينة أي إلى المدينة. نعم. لأن الحب لا يكون إلا لله. تمام. Donc là dans la leçon c'est beaucoup plus de vocabulaire et c'est plus qu'une expression. Là il y a des choses nouvelles. مثلا لكن. C'est faux. Voilà لكن on l'a pas vu. لكن. Où on a vu لكن. C'est quoi la différence walakin et lakin? Walakin et kata kata. Parce que, ou je ne sais plus comment tu seras en français, mais. Mais c'est aussi et aussi des fois. Les gens l'utilisent. C'est pour dire, mais on va voir. Et ne tadrib ma qablahu. Taj'al ma qablahu fi hukm al-maskut. Lorsqu'il a dit, hum min bilad mukhtalifa. Walugatuhu mukhtalifa. Wa alwaluhu mukhtalifa. Lakin. Il va te faire oublier ça là. Toute cette différence-là, il va te la faire oublier. Donc il ramène lakin. Mais leur Seigneur est un, leur dîne est un, leur prophète est un, leur Qibla est un. Hein? On va le voir ça aussi. Ouais, c'est un peu mais aussi. Ouais, c'est mais. Hafou Sidrak. Il n'y a pas de nouvelle construction, il y a quelques nouveaux mots. C'est pas vrai. Couleur, nous aimons, spacieux. Voilà Akin, on l'a pas vu. C'est un truc, c'est important. ولكنهم اسمه نحن نحبه on l'a pas vu comment on conjugue avec نحبه le verbe أحب on l'a vu le verbe أحب أحب أمي وأبي avec أنا là il t'a ramené avec quoi نحن نحب هو il peut même il là il t'a fait montrer une autre chose c'est quoi حتى يعني ال نعم المفعول المطلق Parce que là, c'est معنى ايش كيف تحبه تحبه حبا كثيرا معنى ذلك تمام لا كثيرا c'est quoi c'est un نعت لكن النعت d'un مفعول qui est sous-entendu c'est quoi le معنى نحبه حبا كثيرا on l'aime d'un amour énorme profond لكن le fait qu'il a montré tu expliques juste comme ça l'histoire que au moins il peut l'appliquer نحبه et là il nous montre aussi كذلك quoi que le مفعول به تمام celui qui a subi l'action là d'être aimé il peut être quoi un ضمير متصل parce qu'on a vu أحب أبي là c'est مفعول به et c'est pas un ضمير أصلا tu vois لكن الضمير il peut être quoi مفعول به là si on fait la grammaire de la phrase نحن تمام c'est quoi نحن مبتدا نحبه كثيرا كل هذا خبر نحبه كثيرا c'est une phrase كذلك phrase nominale نحبه فعل والفاعل مقدر il est sous-entendu le sujet c'est quoi تقديره نحن c'est comme si tu avais dit نحن نحبه نحن لكن je ne répète pas تمام واجب نحن lorsque tu veux dire نحب tu parles de toi enfin de vous تمام dans le مضارع tu ne répètes pas le نحن تمام il est entendu avec le quoi le نون nous نحب Laquelle le nun ici, c'est pas quoi? C'est pas le sujet. Tam, c'est un harf, mudara'a, qui est utilisé pour quoi? Pour le mutakallimin. Tam, c'est un harf qui est utilisé pour ceux qui parlent. en leur nom. Nuhibbuhu, tamam. Lakin, c'est pas le sujet. À ma sujet, il est sous-entendu, c'est quoi? Nahnu. Quand tu dis nuhibbuhu, c'est comme ça veut dire quoi? Nahnu nuhibbuhu. Oh, nuhibbuhu, nahnu. Tu peux dire tout seul? Non, ouais, tu peux. Ouais. Yeah. Même pas belle. Il n'y a pas de verre en arabe. Ouais. Si? Ouais, mais c'est pas une forme de respect, je veux dire. C'est, bien sûr, c'est une forme de respect. Pour une personne, tu peux dire ça. Parce que lorsque. Antum, pour moi. Mais non, je ne peux pas me parler à moi-même. Comment ça? Antum. Ouais, attends, hey, hein, Antum, Minel. Antum. Pour avoir un forme de respect comme en français, le vous voir. Ouais, ça existe. Ça existe. Si, ça existe. Et nahnu kadaïka. Ala sabil ta'zim. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il évoque cela, c'est pour. Nahnu se glorifier. Et ça arrive. Tu peux dire ça. Mais ça, le président va dire nous avons combattu Kadaï, t'as rien fait. Tu t'es posé et t'as envoyé tes hommes. Laquelle le fait que c'est lui le président ou bien c'est lui qui a envoyé ses troupes, c'est comme si jamais il avait fait avec eux, il n'a rien fait. Nous avons fait, nous avons ceci. Mais là, c'est pour les attributs d'Allah Azzu que dit ça. Ah, mais c'est quelque chose que tu peux utiliser pour toi. Hein? Nahnu fa'alna hakada wa kada wa kada. Y'a tous. C'est un truc, c'est marrant. Ah, parce qu'il y en a, ils peuvent dire. Ah, les chrétiens, il a dit nous, donc ils sont plusieurs. Non, c'est vrai, parce que hatta, même eux, dans leur langue, quand tu dis nous avons fait, tu dis pas que vous êtes plusieurs. Ça, c'est un truc qui est ma'ruf. C'est même bab. Fi haqqillah, c'est même bab ta'azim. Nous, l'azama, ils disent, lorsqu'ils disent ça. Lakin, fi haqqillah, le makhloukin, c'est un truc qui est yajra ala lisan. C'est un truc qui est haadi, tu vois, qu'ils emploient. Sans pour autant, s'élever ou bien ceci, ça, tu vois, c'est un truc qui est. Tu vous vois et tu, des fois, tu perds la kata, tu vois. Il n'y a pas de. À partir du moment que tu n'as pas l'intention de t'élever. Nahnu nuhibbuhu kathira, nuhibbuhu fi'l. فاعله نحن مقدر وجوبا c'est objet qui n'apparaît pas le ha نحبه مفعول به tu dis ta مفعول به كثيرا tu diras que c'est quoi jamais tu vois ces genres de choses là c'est quoi parce que c'est comme si tu disais نحبه يعني كيف نحبه comme nous l'aimons là c'est quoi complément de je sais plus comment on dit ça en français là le ha là c'est مفعول مطلق يعني qui va te montrer la kayfiya يعني comment tu l'aimes objet direct. Tu vois, je ne sais plus comment il dit ça. C'est de moyen, un truc comme ça, il n'y a pas un truc de moyen. De manière. De manière. Et c'est circonstanciel. Non, non, il y a un truc de manière. C'est CCM. CCM, complément circonstanciel de manière. Tu expliques le comment. Le comment. Tu vois, tu expliques le monde. Mais c'est bien, parce qu'en arabe, c'est la même chose. Là, c'est la manière là, que tu es en train d'expliquer. Comment tu l'aimes? Je l'aime profondément. Nuhibbuhu. Hey, hubban kathira. Le fal mufal mutlaq là, t'aimes le CCM, si tu veux dire ça comme ça, il est sous-entendu. C'est quoi? Hubban. Nuhibbuhu hubban kathira. T'aimes si jamais tu vois. Non, kathira, mais hona, c'est un i'at. C'est un i'at. C'est un i'at de la manière dont tu l'aimes. Là, t'as qualifié ton amour qu'il est profond. T'aimes ton amour ou ton amitié pour cette personne-là, elle est profonde. Donc, quand vous voyez ce genre de phrase-là, c'est comme ça qu'il faut faire les arabes. Kathiran, si tu le vois, il ne va pas dire mufal mutlaq. Mathalan, qu'allahu subhanahu wa ta'ala. Wa kallama Allahu Musa taklima. Kathalika, c'est quoi ça? Min bab yanej, mufal mutlaq. Lakin, pourquoi? Pour tawkid. Pour affirmer vraiment qu'il lui a parlé. Darabtuhu darban. Je l'ai vraiment tapé. Je l'ai vraiment sanctionné. Si jamais tu veux montrer la manière dont tu as fait, ramène le masdar. Ils appellent ça en commun, le nom commun. Daradtuhu darban. Si tu vas rajouter, shadidan. Pour appuyer vraiment, tu vois. Daradtuhu darban, ça suffit qu'en gros, tu l'as humilié, tu vois. Daradtuhu darban, je vais donner une correction. Shadidan, c'est la même chose que là. C'est comme si jamais tu dis, daradtuhu shadidan. Hey, daradtuhu darban shadidan. Adaptuhu ta'diban. Maintenant, je te dis, darabtuhu darban. Darabtuhu darban, tu peux pas dire en gros, tu l'as grondé ou kada kada, tu vois. Ou tu, non, si en gros, tu l'as tapé. C'est pareil, quand Allah dit, wa kallama Allahu Musa taklima. Ils viennent, ils disent, non, en gros, je l'ai blessé. Il a blessé Moussa parce que le calme, c'est la blessure. Ma mi maklumin, dans le hadith, dans le jihad. Mami maklumin yuklamu. fi sabilillah. Il n'y a pas une personne qui est blessée dans le sentier d'Allah Azzawajal sans qu'il vienne et sa blessure a la couleur de za'faran. Et son odeur, c'est comme l'odeur du misk. Il n'y a pas une personne qui est blessée. En gros, ils disent là, c'est la même chose. Parce que c'est les mêmes lettres. Maklumin. Kalamim. Ils disent là, c'est la même chose. Wa kallama Allahu kallama. Il dit c'est quoi? En gros, il a blessé d'une blessure. Parce qu'il dit le wahyi, il est faqil. Inna, c'est le nom qui est alayka, qawlan faqila. Il dit en gros, le fait de porter les disques comme ça, de porter la charge de la révélation, c'est une chose qui est dure et qui peut blesser. Donc ça l'a blessé, tu vois. Mais il l'a blessé d'une bonne manière. C'est quoi en lui donnant? Mais c'est tout ça, c'est du cadet, tu vois. C'est du n'importe quoi, ça c'est pour éviter de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle. Parce qu'ils disent, si jamais il parle, ça implique qu'il a des dents, ça implique qu'il a une langue, ça implique ceci et cela, cela. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tashbih. Ils ont dit, il y a une ressemblance entre Allah et sa créature. Donc on peut pas dire taklim. Parler. Parce que dans leur tête, dans leur cœur, il y a un truc qui va pas déjà, voilà. C'est qu'eux, ils pensent que le Coran, d'apparence, il y a une ressemblance. Donc c'est pour ça qu'ils sont venus, ils ont fait quoi? Un ta'wil. Ah, un chahali peut prendre, tu vois, le cerveau, ils sont forts en arabe, c'est bon, ah. Ils sont égarés. Cause d'arabe. Non. T'as l'autre là, qui est à Damas, le sénégalais, là. Qui est après parti à Mis. Là. Eh, Marouf. Non, il est parti à Mis, ensuite, il est venu à Damas. Là, Mecca. Mohamed. Oui, j'ai confiance en lui. Il est fort en arabe. Mais il s'est égaré. Non. Qu'est-ce que Allah y a dit? Il est pas mauvais, tu vois. C'est juste qu'il. Le majaz? Non, le majaz, même Cheikh, il a dit ça, c'est un truc qui est akhilaf. Moi, je l'ai attrapé sur ce truc-là, sur ce point-là, tu vois. Il me parlait, je dis écoute, on va aller au but. Parce que dans le majaz. C'est ça, il a fait ça, mon frère, il a fait une ressemblance. Non. Le majaz, c'est de métaphore. Métaphore. Lui donner des métaphores. Là, non. Mathalan, lui, je lui dis comme ça. Je lui dis, il y a du majaz dans le Coran, il me dit naam. Je lui dis, il y a du majaz dans les sifat, il dit là. Je lui dis, khalas. Salam alaykum. Sahel. Après, il me dit, là, t'as comme sahel. Il dit, qol salaf. C'était quelqu'un, il est tranquille, tu vois, par rapport à ça. C'est pas étanché dedans. Ce truc-là, c'est un qol qu'ils ont dit, il y a un al-jumhur, ils disent que le majaz dans le Coran. Mais si jamais tu dis majaz fi sifat, khalas. C'est-à-dire que c'est quoi le majaz? C'est une métaphore. C'est-à-dire que c'est. Non, mais non, si jamais tu dis ça, ça veut dire que la sifat d'Allah Azzawajal, elle n'est pas, comment dire ça, haqiqiyya. Elle n'est pas véritable. Elle n'est pas concrète. C'est une métaphore. C'est la force. C'est pas ça qui est voulu. Parce que lorsqu'ils disent. Non, mais là, c'est. Non. C'est pas sur la sifat. Là, non. Mabusutatan, c'est pas une métaphore. Mabusutatan, c'est ouverte. C'est ouverte. Il n'y a pas de métaphore qui est. C'est le sens, même la aïe d'apparence, tu la comprends. Amma. Balyadahu. Hein? Ouais, non, c'est-à-dire que. Mais ça sous-entend. C'est sous-entendu, ça. Parce que quand ce qu'il te dit Mabusutatan. Non, mais c'est clair net. Quand il te dit Mabusutatan, Maharouf, c'est pour donner, tu vois. C'est-à-dire que ça, c'est compris. C'est pas une métaphore. Parce que les Arabes, ils parlent beaucoup avec des sous-entendus. Tu vois? C'est pas une métaphore. Masalan, il dit à Allah subhanahu wa ta'ala, was'al al-qariya. Was'al al-qariya. Demande au village. Quand tu parles par rapport à ce qui leur était arrivé aux communautés d'avant, tu vois? Il dit was'al al-qariya. C'est-à-dire quoi? Tu vas à la qariya, tu demandes au mur, tu demandes aux arbres, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois? Non. Et là, ce qui est voulu, c'est un sous-entendu. Was'al ahl al-qariya. Demande aux habitants de, et ça, c'est ma'ruf, tu vois? Il dit les Arabes, dès qu'ils parlent, des fois ils enlèvent le moudaf. Et ils laissent le moudaf ilayhi. Parce que c'est vraiment d'apparence, tu vas comprendre. Tu vois? Ils laissent le moudaf ilayhi pour qu'ils prennent la place du moudaf. Et du moudaf, tu vois? C'est-à-dire que. Et eux, ils aiment bien l'artisas. Résumé. Si jamais ils savent que tu vas comprendre, khalas. Je n'ai pas demandé au mur. Ma'ruf. Ils parlent beaucoup avec des sous-entendus. Et c'est là qu'ils sont rentrés et croient majaz. Toute chose majaz. Mais ils disent, non, là c'est du majaz. C'est pas une métaphore là, non, c'est ma'ruf, c'est un uslub arabi. C'est une manière de parler. D'enlever le mudaf et de laisser le mudaf ilayhi qui vient indiquer que le mudaf il est enlevé. Parce qu'il y a beaucoup d'expressions. Non. Parce que même, je sais plus, j'étais tombé sur un hadith, il disait les mu'adhdhin du jour de la qiyama, ils seront cool plus long. Mais ça, c'est à la zahiri. Ils seront les plus beaux, c'était ça. Non, c'est à la zahiri. Ah ouais? C'est eux qui auront les coups les plus longs. Non, moi j'ai vu un chef, pourquoi il disait ce sera eux les plus beaux, on verra d'eux, ce sera eux. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est un ta'wil. Donc là, dans le son, Allahu a'lam. A kulli hal, ça c'est quoi? Lakin, c'est un ism, ou plutôt un harf, istidarak, là, il a plusieurs sens. Lakin, ce qui est voulu là, donc je dis lahu ma'ani, wa minha, lahu ma'ani wa minha al istidarak. C'est ça. Tam, est-ce que c'est istidarak? An yataqaddam kalamun ala jumlatin. C'est le fait de faire précéder une phrase à une autre. Tam. Dans laquelle la deuxième, elle va faire comme si la première, elle était quoi? Elle n'avait plus d'existence. Comme là, c'est le cas ici, là. Dinuhum wa, c'est ce que veut dire, le temps. Lorsqu'il a dit, Nabi Gihum Katakata, tu vois, leur pays, il est différent. Leur langue, elle est différente. Leur peau, elles sont différentes, mais leur Seigneur est unique. Leur din est unique. Leur Qibla est unique. En gros, elles ne sont pas différentes. C'est pour ça que quand tu fais un rat sur quelqu'un, tu dis pas. Ils sont pas différents. Il veut dire quoi en gros? Ils sont pas différents. Donc cette leçon-là, la 21, là, Donc là, la leçon, il dit Adib an as'ilati al-atiya. Donc répondre aux questions suivantes. À faire. Et on va le faire celui-là, l'oral vite fait, là, le deuxième. 115. On va prendre le vocabulaire aussi. Il nous dit da hadil alamat, donc sah, le petit V là, pour dire que c'est bon. Amam al-jumal as-sahiha. وهذه العلامة la croix تام امام الجمل التي ليست صحيحه numéro 2 le 2 le premier vous le faites chez vous. Répondez aux questions suivantes. Le premier à la faire, tamam. Répondez aux questions suivantes à faire, tamam. Donc faites-le. Le deuxième il dit le signe qui est le espèce de V, tu vois, pour dire que صحيح jamais la jumla li sahiha, mais je crois que c'est un relatif au cours à la leçon plutôt. Donc vous allez faire Katalika. Donc il faut lire la leçon. Et par rapport à ce qu'il va te dire, est-ce que ça correspond à ce qui a été énoncé dans la leçon? T'as Donc le 2 Katalika, il faut le faire. Et il te dit, mais la halama, qui est bonne ou pas, par rapport à la leçon. Donc en vérité, c'est relatif au texte. Et le 3, il dit, اذكر البلاد الواردة في الدرس من آسيا وإفريقيا وأوروبا. Ou le numéro 3, Katalika, vous le faites chez vous. Il dit de répondre, yani mettez-les. Des pays qu'il a évoqués qui font partie du continent asiatique, du continent européen, du continent africain. T'as Al-Kalimatul Jadida, Al-Maktab, Al-Makatib, ou Makatib, le bureau, des bureaux. Al-Kursi, la chaise, Karasi, des chaises. Al-Lawnu, Al-Wanu, la couleur, des couleurs. Al-Qiblatu, c'est la direction. Ce qui est voulu par là, c'est Al-Ka'ba. Il dit ذاك, c'est quoi? C'est le متوسط de quoi? De ذلك. Et ولكن. Hein? Non, en vérité, c'est ولكن. J'aurais dû mettre ici. ولكن. Donc, لكن, c'est un sens de. Mais. Mais il n'y a plus de sens. C'est l'istizdrak. Istizdrak. Pourquoi il a été appelé le kitab de l'hakim? Tu connais le même hakim? L'hakim, il a un livre qui s'appelle. Al-Mustadrak. Ça vient de ça. Istidrak, c'est de rattraper une chose. Et là, c'est quoi le Mustadrak? C'est de rattraper une chose. En gros, Al-Mustadrak, il l'a fait pourquoi? Rattraper. Lui, les hadiths qu'il voyait que l'imam Bukhari au Muslim, ils n'ont pas évoqué dans leur recueil. Et qui sont sous les mêmes conditions que eux, ils ont conditionné. C'est pour ça qu'il est revenu, en fait. Il a fait ce livre-là pour dire ces hadiths-là, là. Ils sont cas les cas des mêmes conditions que de Bukhari ou de Muslim, et pourtant ils n'ont pas sorti. Lakin, il y en a, comme il a dit, qui méritaient d'être évoqués. Lakin, elle, akthar minha, c'est des hadiths qui sont d'ailleurs. Donc, il faut ramener un mustadrak de mustadrak. Malgré les conditions, Là, il s'est trompé. Il y a beaucoup de trucs qui s'est trompé. Après, ils disent qu'au fait, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'a pas eu le temps de mettre propre. Tu vois, il a réuni et il est mort après. Il n'a pas eu le temps de mettre propre. Et les gens sont venus, ils ont sorti le livre. Qui ça? De l'Hakim. Et bien. C'est un livre pas mal, d'accord, il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de travail. Il est corrigé?